Chapitre 5e, la bague en rubis. Dans l'antichambre de l'appartement, le gentleman gisait les pieds solidement liés, les mains fortement nouées derrière le dos. Sur sa bouche, un foulard de soie roulé à plat formait un bâillon empêchant tout cri, tout appel, toute parole. Il roulait des yeux furieux et se démenait à terre comme un tronçon d'anguille coupé en deux. Mais il était dans l'impossibilité de rien tenter pour sa délivrance. Rapidement, les deux détectives parcoururent l'appartement, pas très grand, mais meublé richement et avec un goût parfait. Dans l'appartement, il n'y avait aucun domestique, personne autre que le gentleman captif et les deux détectives qui venaient de s'y introduire de si étrange façon. Ayant soigneusement ligoté son homme, Paul Lambroquet vint s'assurer que ma pipe avait bien fermé la porte à clé. Pour plus de sûreté, il tourna le verrou intérieur d'une serrure à secret. Silencieusement alors, Paul Lambroquet et ma pipe pénétrèrent dans la pièce venant après cette antichambre et y traînèrent leur prisonnier. C'était un petit salon. Rapidement, ils l'examinèrent en allumant deux des ampoules électriques d'un petit lustre suspendu au plafond et ils passèrent dans la pièce suivante. C'était la chambre à coucher qui servait en même temps de bureau. Du lit et des autres meubles, Paul Lambroquet se soucia peu. Il ne s'intéressa qu'à un bureau américain à coulisses et un coffre-fort d'acier qui était adossé au mur. Dans la poche du captif, il prit un trousseau de clés, ouvrit le bureau, fouilla dans les tiroirs. Faire le choix de papier que ma pipe serrait en paquet fut pour lui l'affaire de quelques minutes. Puis il ouvrit le coffre-fort après deux ou trois tâtonnements. Ce qui tout de suite attira son attention fut une petite caisse en bois posée sur le premier rayon. Il l'ouvrit, regarda ce qu'elle contenait. Il tressaillit et appela ma pipe. « Regarde !» lui dit-il. Ma pipe, qui enfouissait dans ses poches les papiers que lui avait désignés son chef, accourut. Il regarda dans la boîte et eut un frémissement de joie. Paul Lambroquet alors referma la boîte et la glissa ensuite dans la poche de son habit avec son précieux contenu. Le détective allait encore fouiller dans le coffre-fort quand un craquement du plancher arriva jusqu'à lui. Il s'arrêta dans ses recherches et écouta. De nouveau, le plancher craqua, un peu plus près. Quelqu'un se trouvait donc dans la pièce voisine. Promptement, Paul Lambroquet se dirigea vers la porte qui faisait communiquer ces deux pièces. Il souleva la portière, la pièce était dans l'obscurité absolue. Mais aussitôt, Paul Lambroquet y jeta la lueur de la lampe électrique qu'il portait toujours sur lui. Un homme, la forme d'un homme, une ombre d'homme, glissa sur le mur et disparut. Mais comme elle disparaissait, sous le jet de lumière électrique, l'ombre sembla renvoyer la lumière et laissa paraître une fugitive lueur de couleur dorée. Paul Lambroquet tressaillit, il se précipita, mais ne trouva rien. Il fit le tour de l'appartement, fouilla partout, sous les meubles, derrière les tentures, il ne découvrit rien. Ma pipe était demeurée dans la chambre à coucher, auprès du prisonnier. Paul Lambroquet revint près de lui et fit seulement un signe pour dire « Filons ». Pendant que Paul Lambroquet fermait le bureau américain et le coffre-fort, ma pipe soulevait le captif et le faisait passer sur son dos, comme un sac, puis il suivait son chef vers la porte de sortie. À son grand étonnement, Paul Lambroquet trouva engagé dans la serrure un mouchoir brodé, très fin, qui répandait une odeur douce et cependant poivrée, spéciale, caractéristique mais exquise. C'était la preuve indéniable que quelqu'un, depuis que les détectives se trouvaient dans l'appartement, y était également entré. Ce quelqu'un s'était servi de son mouchoir pour avoir plus de prise sur la gâchette de la serrure de sûreté et pouvoir l'ouvrir sans bruit. Puis, en refermant la porte, le mouchoir, sans doute emporté par le courant d'air, s'était trouvé pris. Cet inconnu ne s'était pas attardé à vouloir le défaire et l'avait abandonné là. Paul Lambroquet retira le mouchoir et le mit dans sa poche. Peu après, ayant aidé ma pipe à descendre le captif, Paul Lambroquet sortit de la maison, ayant ouvert la grande porte au moyen d'une pince. Il regardait si personne ne pouvait les voir. En quelques secondes alors, prenant lui par les pieds le captif que ma pipe gardait toujours sur ses épaules, ils le déposèrent dans le fiacre qui s'avança. Les deux détectives sautèrent dans la voiture, et encore sans qu'aucun ordre eût été donné au cocher, le cheval partit d'un bon trot. Le fiacre roula assez longtemps, puis pénétra dans la cour de la sûreté. Paul Lambroquet et ma pipe en tirèrent le captif et le portèrent dans une des salles où sont conduits les gens arrêtés d'une façon spéciale, qu'on veut écrouer sans les faire passer avec les prisonniers vulgaires. Là, on enleva le bâillon du prisonnier, on lui défit les entraves des pieds, on remplaça les cordes qui lui serraient les poignets par le cabriolet d'acier. Le chef de la sûreté, M. Baumier, prévenu, accourait aussitôt. « Voilà, » lui dit Paulin Broquet, « voilà le voleur des bijoux de Rosa de la Huerte, de Miss Ida Hidden. Voilà l'assassin de la petite Bretonne. » Le prisonnier se révolta. « Je proteste contre cette arrestation arbitraire, » cria-t-il. « Contre la violation de mon domicile, je déposerai demain une plainte à mon consulat. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je suis le marquis Fernandez del Mancano y de la Torre Alta. » Paulin Broquet se contenta de dire à son chef « J'ai trouvé chez ce marquis le collier et le bracelet qui ont été dérobés aux artistes du cirque moderne, le soir de l'assassinat d'Yvonne, la petite Bretonne de Madame Rosa. Donc voilà le voleur et probablement l'assassin. »« Vous mentez !» hurla le marquis. « Vous mentez odieusement !» Paulin Broquet se soucia peu de ses protestations. « Chef, vous le savez, l'enquête a établi que le voleur s'était déguisé en pompier pour pénétrer dans les loges des artistes et tromper la surveillance de Madame Frisette. La petite danseuse Bianca a déclaré que le voleur, elle le connaissait, l'avait déjà vu, qu'elle reconnaîtrait même sa voix. Bon, demain nous mettrons ce marquis en présence de Bianca. Nous établirons ce point important. En attendant, chef, voilà une autre preuve tout aussi caractéristique qu'établie. Bianca a déclaré que ce singulier pompier portait à la main gauche, à l'index, une bague en or. Cette bague, de forme caractéristique, porte un Z en rubis. Paulin Broquet ouvrit la boîte en bois et dit au chef de la sûreté « Cette bague, la voici. » « C'est une bague qu'on m'a donnée, une bague de fantaisie, que je ne mets jamais, ça ne prouve rien. » « Le doigt du marquis, » reprit Paulin Broquet, « l'index de la main gauche porte encore la trace en plus clair sur la pommade que laissa le bijou longtemps porté. » Et il conclut « Chef, je ne crois pas m'être trompé, c'est bien mon homme. » Puis, pour des raisons spéciales qu'il ne voulut pas dire, pour les besoins de la cause, il demanda à son chef l'autorisation de conserver pendant quelque temps par-devers lui la bague aux aides en rubis. Et ayant pris congé de M. Baumier, il se retira avec ma pipe. « Il est tard, » dit-il à son homme. « Demain, nous aurons du travail. Allons-nous coucher. » Une auto stationnait devant la porte de la sûreté. Paulin Broquet sauta dedans, et l'auto le conduisit rapidement chez lui, avenue Trudaine. « Remise, » dit seulement le détective au chauffeur. Il monta chez lui. Dans son bureau, Gabriel, en fidèle lieutenant, l'attendait, somnolent dans un fauteuil. « Tout va bien, » dit Paulin Broquet. « Demain, tu me feras ton rapport. Va dormir. Bonsoir. » Gabriel et l'amorce demeuraient dans la maison du détective. L'un occupait un appartement au-dessus, l'autre au-dessous. Gabriel se retira donc, mais il se mit à guetter son ami l'amorce qui, dans la soirée, ayant été tour à tour cocher de fiacre et conducteur d'auto, était allé remiser ses voitures, changer de vêtements. Au passage, Gabriel héla son ami, le fit entrer chez lui. Assez longuement, ils parlèrent des derniers événements, puis, tombant aussi de fatigue, ils allèrent chacun de leur côté prendre quelques heures de repos.